Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, nous allons faire le top cruise du Too Much. Flop, cruise. Alors voilà, top cruise du Too Much. C'est trop difficile à dire. C'est dur à dire, effectivement. Mais le Too Much, donc, le moment, c'est l'excès, quoi. C'est trop. C'est beaucoup, quoi. C'est presque trop, quoi. C'est un peu. On en a mis un peu plus, quoi. C'est peut-être un peu un flop cruise, alors. Presque. Ça dépend. Ça dépend comment on le prend. Moi, j'ai pris un peu des deux. Il y a des moments où j'aime bien que ce soit Too Much. Des moments où c'est peut-être un peu trop Too Much. Ok, d'accord. Alors. Donc, un top 3 qui est. On va aller du plus trop too much à oh c'est cool que ce soit too much, tu vois. Okay. On va essayer d'être un peu positif et peut-être ce sera comme ça un petit top. Okay, number 3. Alors le too much, cocktail. Cocktail, c'est trop. Ça va trop loin dans les trucs nuls. Et pour moi, c'est trop. J'ai vraiment un sentiment de trop, de too much. tout est too much. Les mecs, ils sont too much sexistes. Enfin, tu vois. C'est too much cocktail. Ouais, c'est trop caricatural, il y a trop de Too much poésie. C'est too much poésie, too much pognon, enfin c'est too much tout. Ouais. Donc ça c'est too much. Oust. Un autre numéro 2 too much, mais celui-là qui est un peu cool que ce soit too much aussi, c'est Rock Forever. Parce que c'est la comédie musicale où vraiment il y a des moments où tu dis voilà, c'est vraiment trop, mais en même temps c'est ce qui peut faire son charme, son côté un peu kitschos. Il y a des, enfin tu vois, Tom Cruise en fait des caisses, oui. Mais ça marche presque, tu vois. Il y a un moment où tu te dis, c'est vrai que ça marche un peu quand même. Il y a un moment où t'as un doute. Ouais. Donc celui-là, tu vois, il est un peu miffing. Et le numéro 1 du too much, mais alors là du top too much, c'est Les Grossman dans Tropic Thunder. Mais oui. Il en fait des caisses, mais c'est génial, c'est très très drôle. C'est ça, c'est drôle. Le bon too much qu'on aime. Ça, c'est du too much qu'on a envie de valider. Kitsch et drôle et génial. C'est ça, l'excès, l'excès parfait. Parfait. Ah ben super, merci Paulin. Avec plaisir. À demain. À demain.